Thank you.

s'aimaient tous les deux, qu'ils étaient heureux. Chaque soir, chaque matin, ils allaient au turbin, le cœur plein d'entrain. À l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu l'aimes tant ton Dudule? Il est pas beau, il est mal fait. Mais elle gentiment répondait: je la suce, elle m'encule. Ah, bon. Ah, les amis, vous dites que c'est bon. Quand il me la cœur dans l'oignon, c'est pas une bite ordinaire. Ça, je veux bien le croire. Quand il m'a fout dans le derrière, je me sens soudain toute remplie, du cul jusqu'au nombril. Ah, tu ça devait arriver, ils se sont mariés, ils ont convolé. D'abord ça tourne à rond, il caresse un menton du flanc à d'aignon. À l'atelier, ses copines lui disaient: pourquoi tu ne tues pas ton Dudule? Il t'a battu, il t'a ciré. Mais elle gentiment répondait: s'en fait pas, les amis, ce que j'aime en lui, c'est la grosse bite à Dudule. Je l'approche, la suce, elle m'encule. Ah, les amis, vous dire que c'est bon quand il me la carre dans l'oignon. L'oignon, c'est pas une bite ordinaire. Quand il me la fout dans le derrière, je me sens soudain. Mais je lui mettrai bien mon zob dans le terme à ma face. Bye.

temps de te tarer. C'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Pimal et Dorothée. Moi, je m'appelle Bernard Minet. Heureusement que pour bouffer, y a mes copains les Japonais. Pimal et Dorothée. Si chez nous les Français, on sait pas dessiner. Heureusement pour chanter, y a moi et Dorothée. Alors pendant